on était des bons vivants, on voulait amuser Mirkou. Bon, alors, vous n'étiez pas là l'autre jour. Ben, c'est à l'inauguration de ma rue qu'on a chanté la valse des dentelières, la marche des luthiers, qu'on avait composé à l'époque. Alors, on avait un Robert Salvia, qui était, on l'appelait poète et paysan, c'était lui le poète. On avait Camille Tourelle, qui était sous-chef à la musique, et qui était jeune, qui mettait en musique. Moi, au piano, il y avait un piano à la Brasserie Lorraine, dans une pièce derrière. Je leur apprenais à chanter. Et un jour, on disait, ben, allez, on fait une cavalcade sans en être une. On se promenait avec une roulotte quand tu irais à bras. On mettait une cage d'oiseau avec un squelette de hareng dedans. Et puis, on s'arrêtait au coin des rues. Moi, je me rappelle une année, j'étais déguisé en gitane. Parce que j'avais des grands cheveux, hein. Alors j'avais laissé passer deux belles boucles comme ça, un beau foulard rouge dans les cheveux. Puis allez, ma mère m'avait fait un boléro avec du satin. Et puis alors on s'arrêtait au coin des. Moi je vendais des horoscopes. Vous savez, les machins qu'on tire dans les fêtes. On amusait Mirkou. On voulait offrir un kiosque à musique à la ville, sur la place de la fête. Bon, mais quand on avait fait une journée de tout Mirkou en pleurant à droite à gauche, on rentrait le soir, on avait 300 francs, on faisait un bal, ça rapportait pas grand chose. Alors, des autres cavalcades, moi je montais à cheval, on quêtait aux fenêtres avec des filets à papillons pour ramasser le plus d'argent possible. Alors, on faisait des concours de pêche. À Arouet, on allait